trouver un nouveau moyen de faire ressortir Dieu et de le prendre sur le fait de sa nocivité qui tombe. Le cruel cœur, sous la forme de la sexualité, une maladie, en cette sinistre danse de cruauté morbide qu'il revêt aux œuvres où il lui plaît de déteigner et d'abandonner comme présentement. Il utilise l'esprit de pureté, de conscience, de me réconduire comme la mienne pour l'asphyxier. De toutes les fausses apparences, il reste dans les espaces. Et c'est ainsi qu'un tôt le moment peut prendre une plus grande vie. Appétit, monsieur Arthur. Je veux que je trouve le moyen d'en finir une fois pour toutes. Avec ce saint, et que si personne ne croit plus en Dieu, tout le monde croit de plus en plus dans l'homme. Or, c'est l'homme qu'il faut maintenant se décider à effacer. Comment cela? De quelque côté qu'on vous prenne, vous êtes fous. Mettez-vous à l'aise. En le faisant passer, une fois de plus, mais la dernière, sur la table d'autopsie, pour lui refaire son anneau. L'homme est malade. Il est mal. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal que le démon. Dieu, et avec Dieu, ses organes, ses organes, oh, ses organes, car, dis-moi si vous le voulez, il n'y a rien plus inutile que toi. Lorsque vous aurez fait un corps sans organes, alors vous l'aurez délivré de tous les automatismes et rendu à sa véritable et immortelle liberté. Alors vous lui réapprendrez à danser à l'envers. Le délire des balmusettes, et cet envers sera son véritable. Empédala! Nakomekanata! Matana! Nakomekanata! Matana! Ma! Yeah.